C'est une excellente personne. Elle a le cœur sur la main. Lui aussi d'ailleurs. Lui, c'est un bon vivant. Toujours content, toujours optimiste. Il ne s'en fait jamais. Il répète toujours « Ne vous en faites pas, tout ira bien. Ne vous inquiétez pas, il n'y aura pas de problème. Ça ne fera pas un pli, vous verrez, tout s'arrangera. Il ne faut pas s'en faire. » Elle, c'est plutôt le contraire. Elle est toujours un peu tendue, inquiète. Elle répète toujours « Ah, tout ça finira mal !» Et lui « Oh non, bobonne, tu verras, ça s'arrangera. » Elle a une passion pour les chats, qui n'ont jamais eu d'enfants. Lui, c'est un gourmet. Il voyage beaucoup pour ses affaires, il connaît tous les grands restaurants de France. Et comme Concepcion est une excellente cuisinière, et Madame Courtois aussi, on mange très bien chez eux. Lui, c'est un bon vivant. Toujours content. Toujours optimiste. Il ne s'en fait jamais. Comment est Monsieur Courtois ? C'est un bon vivant, toujours content, toujours optimiste. Il répète toujours « Ne vous en faites pas ! Ne vous en faites pas ! Tout ira bien ! Tout ira bien ! Ne vous inquiétez pas ! Il n'y aura pas de problème ! Pas de problème ! Il n'y aura pas de problème ! Ça ne fera pas un pli. Ça ne fera pas un pli. Vous verrez, tout s'arrangera. Vous verrez. Tout s'arrangera. Il ne faut pas s'en faire. Il ne faut pas s'en faire. Qu'est-ce qu'il répète toujours ? Ne vous en faites pas, tout ira bien. Ne vous inquiétez pas, il n'y aura pas de problème. Ça ne fera pas un pli. Vous verrez, tout s'arrangera. Madame Courtois est toujours un peu tendue. Elle est toujours un peu tendue. Inquiète. Et Madame Courtois, comment est-elle ? Elle est toujours un peu tendue, inquiète. Elle répète toujours « Ah, tout ça finira mal, tout ça finira mal. » Qu'est-ce qu'elle dit souvent ? Tout ça finira mal. Monsieur Courtois voyage beaucoup pour ses affaires. Il voyage beaucoup pour ses affaires. Il connaît tous les grands restaurants de France. Il connaît tous les grands restaurants. Il connaît tous les grands restaurants de France. Pourquoi M. Courtois connaît-il tous les grands restaurants de France ? Il voyage beaucoup pour ses affaires. J'aime bien la bonne cuisine. Ah oh, oui. Eh bien alors, puisque Madame Courtois est votre marraine, vous ne pouvez pas vous faire inviter à dîner après-demain ? Je ne sais pas. Je ne sais pas si je serai libre. Enfin, ça ne dépend pas entièrement de moi. Je verrai. Oh là là, excusez-moi, je file. Je vais être en retard. Au revoir. Où est-ce qu'elle va ? Mystère et bonne comme. Eh bien alors, puisque Madame Courtois est votre marraine, vous ne pouvez pas vous faire inviter à dîner après-demain ? Vous ne pouvez pas vous faire inviter ? Vous ne pouvez pas vous faire inviter à dîner ? Puisque Madame Courtois est votre marraine. Puisque Madame Courtois est votre marraine. Qu'est-ce que Robert suggère à Mireille ? De se faire inviter à dîner après-demain. Ah, je ne sais pas. Je ne sais pas si je serai libre. Je ne sais pas si je serai libre. Enfin, ça ne dépend pas entièrement de moi. Ça ne dépend pas de moi. Ça ne dépend pas entièrement de moi. Pourquoi Mireille n'est-elle pas sûre de pouvoir aller dîner chez les Courtois ? Parce qu'elle ne sait pas si elle sera libre et que ça ne dépend pas entièrement d'elle.